Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue à la deuxième journée de la sortie culturelle du CKRL au Salon du Livre. Barbara Henke au microphone, je suis accompagnée. Bonjour Julie. Bonjour. Aujourd'hui, encore des entrevues et on a des invités qui vont présenter des lectures. On fait tout de suite une petite pause musicale et on vous revient avec Judy Quinn et on va parler avec elle de son roman « L'homme canon ». Bonjour Judy Quinn, bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes poète, votre dernier recueil, Pas de tombeau pour les lieux, et romancière. L'homme canon est votre troisième roman. Pour le premier, vous avez gagné le Robert Clich. L'homme canon est un hommage à un père. Oui, d'une certaine façon, oui. Ouais, en tout cas, moi je l'ai reçu un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Et... j'aimerais que vous le présentiez vous-même, ce père-là. Le père en tant que tel et non le père Thury. Bon, le père, c'est un être... le père qui est présenté dans le livre, c'est un être excentrique, alcoolo assez poussé, là, disons. Et durant la dernière année de vie, ben, lui arrive... des choses absolument extraordinaires, on peut dire le mot extraordinaire, autant au niveau positif que négatif. Là. Ben oui, il va gagner un 2 millions et en même temps, il va devenir très, très, très malade et il va quand même déraper à plusieurs niveaux. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de montrer que l'amour pour ce père-là persiste malgré ce personnage qui a quand même des côtés, des fois, un peu haïssables. Oui, c'est vrai. Je pense que ben, il y a toute une mode en ce moment en littérature d'aller dans la blessure, si on veut. C'était pas mon objectif quand j'ai fait ce livre-là. J'étais plus dans une espèce de réconciliation, finalement. C'est un livre qui m'a amené à voir finalement l'amour qu'il y avait derrière tout ce passé où j'ai vécu toutes sortes de choses avec ce père-là. J'en parle pratiquement pas dans le livre. Pour moi, c'était le présent qui m'intéressait. Et le présent, c'est un présent, c'est ça, de dire... Oh, ben, parce que c'est une fin de vie, là, donc c'est dire adieu à un père et tout le mythe qui entourait le père aussi. Oui, ben je l'avais lu un peu comme ça, un peu comme Les Murailles d'Erika Soucy, qui, elle, est poète aussi. Oui. Et là, j'arrive déjà à ce point-là, vous insérez de la poésie dans ce roman-là. Oui. Est-ce que c'est ça votre première langue? Est-ce que parce que moi, je vous connaissais plus comme poète. C'est le premier roman que je lis de vous. Et je suis contente de retrouver la voix de la poète. Bien, je me suis amusée, en fait, parce que je trouvais que la poésie allait bien avec mon père. C'est un peu étrange, avec sa voix, parce qu'en fait, je le fais parler en poésie. La poésie n'est pas ma première langue, si on veut, en littérature. J'ai commencé à écrire un roman, mais j'ai publié... Le premier que j'ai publié est un recueil de poésie, mais j'avais écrit bien avant des romans. J'écris depuis très longtemps, là. Puis, je me suis toujours intéressée, même en poésie, à la narration. Et là, je trouvais ça intéressant je trouvais que ça donnait plus le ton d'une voix la voix de ce père-là, en vers, ça donnait du rythme aussi. Oui, oui, exactement. Il y a bien des choses qui vous rattachent à ce père-là, et ce que j'ai trouvé très beau, c'est les histoires de pêche. Oui. Parce que j'ai l'impression que la pêche était comme un ciment de votre relation. Bien, je pense que c'est les seuls moments avec, peut-être, on jouait souvent à des jeux Scrabble et tout, là, mais non, la pêche, c'était un moment de silence. Premièrement, on allait sur le lac, il ne fallait pas parler. On avait le droit de parler, là, mais je veux dire, vite, on rentrait chacun dans nos pensées. Et c'était aussi le moment où on nous apprenait à pêcher, à attendre le poisson. Puis aussi, c'était un moment aussi où, évidemment, il racontait ses histoires. Donc, oui, ça a été un moment, ça a été des moments, oui, assez privilégiés avec lui. Oui. Est-ce que, parce que là, ce que je comprends, c'est vraiment votre histoire avec votre père. Oui. Peut-être romancée en partie. Oui. Est-ce que il y a eu le temps de voir au moins des extraits de ce livre-là? Non, pas j'ai commencé après sa mort. Ouais. OK. Ouais. Par contre, quand il est tombé malade, j'ai su qu'il y avait un livre qui était en train de s'écrire en moi, là, donc j'ai commencé à prendre des notes. Et pendant qu'il était malade aussi, un jour, j'avais publié mon précédent roman, qui est Les Mémoires. Et dans ce temps-là, je savais pas que je prenais des notes pour le prochain livre, mais je veux dire, je savais pas que ça allait aboutir à quelque chose. Puis le personnage des Mémoires était un peu inspiré de lui aussi. J'y avais montré le livre, mais étant donné qu'il était dans un état, il y avait eu un problème, un grave problème au cerveau. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Encéphalite. Oui, une encéphalite, donc, qui lui avait fait perdre la mémoire, et donc, il ne me reconnaissait pas vraiment. Mais je lui avais présenté le livre, je lui avais dit, c'est un peu toi, mais finalement, je savais bien que ça allait partir 3 secondes après de son cerveau. Mais non, j'aurais été peut-être gênée de qu'il lise des extraits du livre. C'est bizarre, oui. Parce que moi, je trouve que c'est tellement un bel hommage. Je m'étais dit, il aurait peut-être été fier aussi, parce qu'on sent content, que c'est un homme fier. Oui, et qu'il était fier content de vous, de ses enfants. Il aurait voulu que j'écrive un livre sur lui. Mais, en fait, finalement, je l'ai écrit. Oui. Mais, pourquoi l'homme canon? L'homme canon, parce que, dans les cirques, l'homme canon, c'est celui qui va dans le canon et qui n'a pas peur de ce qui va arriver dans la seconde après. C'est un peu cette personnalité-là. C'est l'homme qui se jette sans passer vraiment à l'avenir. Juste la sensation du présent, puis la jouissance du présent, puis aussi le côté spectacle, là, le fait de vouloir toujours épater les autres. Là, je trouvais que ça collait bien au personnage. Vous lui rendez encore hommage, hein? Vous le sentez, hein? Oui, c'est vraiment ça. Parce que, attendez. Moi, j'ai noté, et c'est ça, c'était première impression, que j'avais l'impression que l'amour pour votre père était tellement grand que peu importe ce qu'il faisait, ça ne pouvait pas être attaqué. Est-ce que ça vous est quand même arrivé de penser que là, c'est plus possible? Ah, et oui. Et tu t'emportes. Parce que moi, ce que je sentais, c'était ce grand amour derrière ça. En fait, avant d'arriver à réaliser ce grand amour, puis je l'ai réalisé peut-être en écrivant ce livre-là, il y a eu des années où je ne supportais pas. Là, fallait que, parce que, bon, c'était un grand alcoolique, là. Même qu'il buvait du fort, c'est pas évident pour la famille. Les gens s'éloignaient de lui, il n'y avait plus d'amis. Sa femme a été excessivement patiente. Moi, je l'étais un peu moins à certaines années, là. Ensuite, j'ai eu des enfants, puis il arrêtait aussi de boire de l'alcool fort, ce qui était comme pour moi un pas vers quelque chose de mieux. Ça a été un processus, je dirais. Avez-vous d'autres projets d'écriture? Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? De la poésie, du roman? Les deux. Je peux pas m'empêcher d'écrire. Des fois, je regarde la réalité du monde de l'édition en ce moment. Je trouve ça pas facile. c'est difficile pour les écrivains de sortir leur épingle du jeu, puis tout l'aspect publicitaire autour de ça, tout ça, c'est fois c'est un peu déprimant quand on est écrivain. Par contre, on peut pas s'empêcher d'écrire, c'est ça. Donc oui, j'ai un recueil de poésie qui s'en vient au Norrois, qui s'intitule pour l'instant, mais le titre est provisoire, c'est Braquage dans une banque en faillite. Et donc, c'est tiré un peu, inspiré d'un voyage que j'ai fait à Delhi, en Inde, mais inspiré de loin en loin, parce que c'est une critique un peu de, évidemment, des injustices sociales, mais aussi de notre impossibilité aussi d'accéder à l'autre qui est si différent et qui lutte pour la survie finalement, puis nous on est là avec nos petits bobos de père manqué, puis tout ça. Oui, donc vous savez que vous allez côté autocritique d'une certaine manière, ouais, comme société. Oui, un peu ironique. J'aime ça en poésie. J'aime pas la poésie. J'aime la poésie qui est intense, qui va nous prendre un peu dans nos... Qui nous bouscule, oui. Et ça va être ce type-là, avec peut-être des images un peu... Je sais pas, j'ai été beaucoup influencée par Denis Vanier dans ce recueil-là. Ça a été une grande révélation pour moi, sa poésie, dernièrement. Je l'avais déjà lu, mais là, ça a été le bon timing, là, disons. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait qu'on peut vous rencontrer encore aujourd'hui et tout le long du salon ici, chez les MEAC. Oui, je suis en séance ce soir et samedi matin. Un grand merci, Julie Quinn. Merci à vous. Merci ça beaucoup. Nous a fait vraiment plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Colin au micro à Sortie culturelle, accompagnée de Nadia Ladary-King. Bonjour Nadia. Bonjour Julie. Donc, tu es auteur, évidemment, parce que je te reçois. Moi, j'ai reçu des gens qui ne sont pas nécessairement auteurs. Tu es auteur jeunesse, entre autres, et aussi auteur adulte. Puis avec toi, aujourd'hui, je voulais discuter plus de la littérature adulte et de ton rôle aussi comme éditrice, parce que tu as conçu un concept de livre chez Goélette. Oui. Histoire de. Donc, histoire de filles, histoire de gars. C'est trois courts romans d'environ 100 pages qui sont ensemble dans un livre qui fait un peu plus de 300 pages. Trois romans quand même, absolument sont assez denses. C'est surprenant, des fois, je vais décrocher avec ça, mais c'est quand même trois bons romans à chaque fois. Comment t'es venue l'idée? Bien, en fait, l'idée au départ, c'est que je voulais vraiment faire un projet collectif. Parce que comme auteur, c'est un métier qui est très, très individuel, qui est très solitaire. On passe vraiment tout notre temps tout seul devant un ordinateur avec en plus des personnages imaginaires qui nous parlent dans la tête. J'aimais beaucoup l'idée de collaborer avec d'autres auteurs. Mais j'ai vite voulu aussi que ça serve à quelque chose, que ça soit pas juste un trip ou que ça soit pas juste le fun, mais qu'on sente qu'on faisait ça pour quelque chose. Donc, dans la collection Histoire de filles, il y a toujours $1 par livre vendu qui est remis à un organisme, qui va changer dépendant des projets parce que c'est vraiment les auteurs de chaque collectif qui vont choisir une cause qui leur tient à cœur. On a travaillé beaucoup avec la Fondation du cancer du sein, entre autres. Donc, c'était vraiment pour moi de réunir des forces vives, trois auteurs qui avaient envie de triper, de s'amuser ensemble. Il y a aussi un petit côté d'exercice littéraire ou d'exercice de style, parce que chaque fois, on se donne un thème commun. Et le défi, c'est d'écrire chacun un roman court sur un thème commun. J'aime beaucoup voir comment l'imaginaire de différents auteurs aborde le même thème. Puis on fait toujours une rencontre initiale, une séance de pitch, si on veut, où on se lance un peu nos idées pour vérifier que on n'est pas toutes la même idée ou les mêmes thèmes exactement. Puis à chaque fois, il n'y a jamais eu de conflit. À chaque fois, on s'en parle, puis on fait « Wow! Moi, je ne l'avais pas abordé du tout comme ça. Donc, c'est vraiment le fun de partager ces moments-là de création avec d'autres écrivains, d'autres écrivaines. Je prends entre autres l'exemple de Histoire de filles en sac à dos. C'est trois romans, en effet, qui sont très différents, trois façons de l'aborder. Dans le premier, dans le fond, qui est ton texte à toi, c'est une fille, dans le fond, qui voit les photos de son amie qui habite en Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas. Et elle est au Québec, puis elle se dit, ben voyons, il me semble que je voulais faire ça moi avant. Tu sais, elle regarde ça, puis le garçon a l'air plus vert chez son ami sur Instagram. C'est le syndrome Instagram, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Puis là, elle voit ça, puis elle a envie, puis elle dit, pourquoi j'ai fait ça maintenant? Puis elle décide, sur un coup de tête, d'annuler une semaine qui est censée de passer avec sa famille en ski pour faire comme, non, nous autres, sac à dos, on s'en va là-bas. C'est tout le côté. Des fois, le garçon a l'air plus vert ailleurs, l'es-tu vraiment? Puis ça, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions. C'est des romans qui, des fois, que je suis surprise, la densité. Mm-hmm. Une centaine de pages, tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Suite à ça, c'est Marie-Julie Gagnon, qui est une auteure, habituellement, qui est beaucoup dans le voyage, guide de voyage. Pour la première fois, c'est la son fiction. Premier roman de fiction, oui. Première qui est fiction. Excellent. Le niveau, la qualité est incroyable pour vraiment, quelqu'un qui s'y essaie pour la première vraiment, fois. Moi, j'adore Marie-Julie Gagnon, mais j'étais quand même étonnée qu'elle fasse de la fiction, finalement, et c'est réussi là, comme passage. D'ailleurs, ça me fait penser, comment t'en es venue à aller chercher Marie-Julie Gagnon? Est-ce que c'est elle qui t'a approchée? Est-ce que c'est non, toi? Non, c'est nous. J'ai eu un petit déjeuner brainstorm avec mon éditrice des éditions Goélette, puis on a parlé du thème du voyage, puis là, tout de suite, le nom de Marie-Julie nous est venu en tête. Mon éditrice a appelé Marie-Julie on the spot pour lui lancer l'idée. Elle n'avait pas le temps. Elle avait 50 000 projets, mais ça l'a tellement séduite qu'elle a dit oui sur le coup sans prendre le temps de réfléchir. Wow. Ça a été une super belle aventure. Ouais. Wow, c'est très chouette. Ouais. Donc, aussi, vous avez fait Histoire de gars. Oui, la version, de gars. La version masculine. Tu sais, il y en a un seul à date. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres éventuellement. C'est le seul à date. Là aussi, on a un auteur, Jay Dutemple, qui est un humoriste, animateur d'Occupation Double, qui écrivait son premier roman, un peu comme Marie-Julie dans Histoire de filles en sac à dos. Donc, ça aussi, ça a été une super belle aventure. Puis je trouve que le format, parce que c'est des romans courts puis c'est en collectif, les gens osent peut-être plus se lancer dans un premier roman parce qu'ils portent pas seuls le poids de la réussite du livre. Donc, vraiment, pour des gens qui ont toujours rêvé d'écrire, comme par exemple, Jules Dutemple écrivait des chroniques dans Urbania, on sait qu'il écrit pour ses shows d'humour à lui, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, mais la forme du roman court avec deux autres auteurs, ça l'a vraiment sécurisé, je pense, pour se lancer dans un premier roman. Parce que c'est du boulot, un roman, des fois, ben, en fait, écrire, de toute façon, les gens, des fois, ils pensent que l'auteur s'assit devant son clavier, et là, il écrit et est possédé par le grand esprit de l'écrivain. Pas tout à fait. Pas toujours, des fois. Ça arrive. Des fois, c'est pas nécessairement bon quand t'es inspiré de même. Ouais. Puis, il y a beaucoup de réécriture. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est de découvrir. C'est, c'est une belle façon de s'initier. C'est un métier, en fait. C'est ça, oui, c'est ça. Métier, c'est une belle façon, avec un format comme ça, pour s'initier. C'est ça, justement, à l'écriture à plus long terme. En même temps, il y a Patrick Sénécal qui l'a fait avec Patrick. On s'entend que... Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Il y a du métier. Ben, il nous sort de notre zone de confort, pas à peu près avec son roman. Oui, là-dedans. Patrick, parce que dans Histoire de gars, on voulait vraiment parler de l'amitié entre gars. Puis moi, comme femme, comme directrice de collection, c'est vraiment de la question que j'aurais posée. Je veux savoir, ils parlent de quoi les gars entre eux, ils se préoccupent de quoi. C'est comme un univers de gars, l'amitié entre gars. Donc, Patrick, dans son roman, c'est des amis qui étaient ensemble, qui étudiaient en cinéma quand ils étaient jeunes, qui avaient eu plein d'ambitions, mais qui s'étaient tous retrouvés à faire des carrières un peu médiocres, un peu alimentaires. Et un jour, ils se retrouvent sous l'impulsion d'un d'entre eux pour dire « Et si on réinventait le film porno? » Parce que, bon, c'est Patrick Sénécal, il faut bien que ça choque un peu. « Et si on réinventait le film porno avec des vrais acteurs, un vrai scénario, une vraie qualité c'est de du vrai direction sexe, photo, puis quelque chose de mieux travaillé? » Puis, bien sûr, bon, c'est loufoque, tout ce qui devait mal aller va encore plus mal que prévu. Ouais. Mais bon, c'est Patrick. C'est Patrick, tout à fait. Oui. J'avais entendu un extrait qu'il avait lu lui-même dans un salon du livre. Je m'étais dit, OK, il faut que je lise ça. C'est trop hilarant. Puis en même temps, c'est hilarant, mais c'est triste aussi. C'est glauque aussi en même temps. Il y a plein d'affaires là-dedans. Mais bref, en même temps, notre confort, c'est vraiment super agréable. Le plus récent, c'est Histoire de filles à la télé. À la télé, qui est paru la semaine passée, qui est tout nouveau pour le salon de Québec. Ça nous amène dans les coulisses vraiment du monde de la télé que moi, je connais pas du tout. Tu sais, c'est que ça, c'est intéressant aussi. Puis encore une fois, des romans assez profonds, pas profonds pour, tu sais, déprimer, mais assez profonds pour qu'on se dise, mais je pensais relaxer, mais pas tant que ça. Finalement, je réfléchis à plein de choses. Ça fait réfléchir aussi, oui. Mais souvent, moi, c'est ce que je pense, tu sais, sous une apparence de légèreté, des fois dans le style, parce que c'est contemporain, c'est réaliste, mais on peut aller toucher à des vraies questions, à des vrais problèmes, des grandes remises en question. Je pense à Histoire de filles à la télé, José Bournival, la peur de vieillir d'une animatrice vedette qui se rend compte qu'en approchant de 40 ans, tout à coup, elle n'est plus la saveur du jour. Mais la façon dont c'est traité avec beaucoup d'humanité, puis ça fait vraiment réfléchir. Puis c'est trois auteurs, donc Nathalie Roy, José Bournival et Sophie Bérubé, qui toutes les trois sont ou ont été chroniqueuses à la télé, journalistes dans plein de rôles, donc elles connaissent vraiment, vraiment leur monde. Ça paraît, elles se sont beaucoup amusées. Nathalie Roy dit toujours, essayez de deviner qui est qui, parce que tous mes personnages sont du vrai monde un peu déguisés. Oui, oui, donc, non, c'est elles ça. Se sont beaucoup amusées avec c'est inspiré ça. De la vraie vie, finalement. C'est sûr qu'il y a un peu de... Tu mélanges deux personnes pour pas que la personne... Ça reste de la fiction, c'est que tu veux pas que la personne revienne parce que c'est moi. Mais j'ai une question en terminant. Oui. Puis l'entrevue tire déjà à sa fin, ça passe vite, je le sais. Il reste une minute. Là, il y a eu Histoire de filles à la télé. Est-ce qu'il va y avoir Histoire de filles à la radio? Ouh! Quelle bonne question! On est à la radio, hein? J'ai on pas est le à choix. La radio, oui. Bien, écoute, tout se peut. On est toujours en brainstorm pour des thématiques, pour d'autres histoires de filles. On pensait peut-être faire... une histoire de maman pour parler de la maternité. On en a plein. Histoire de gars, on veut revenir avec des gars sous d'autres thèmes. Donc, oui, je pense que c'est une collection qui a beaucoup de vent dans les voiles, beaucoup d'idées. Puis, on va voir. Après, c'est selon les disponibilités des auteurs, les aussi. Intérêts des auteurs, puis de créer des dream teams, un peu des équipes qui font un bon alliage. Oui, pour un certain sujet. Donc là, il y a cinq romans, cinq livres. Il y a cinq livres dans la collection. Romans. Oui, c'est vrai. Donc, 15 romans au total. J'ai appris avant même qu'Histoire de filles à la télé sorte, on avait déjà remis 16 000 $ aux fondations qui sont associées au projet. Wow, donc, c'est bravo. Une super belle satisfaction. Puis merci à l'éditeur, aux éditions Goélette qui acceptent de partager comme ça les revenus. Bravo. Donc, les livres Histoire de filles, Histoire de gars sont disponibles au kiosque 261. Et toi aussi, tu es au kiosque 261 dès 13 heures pour séance de signature, mais chez Les Malins, parce que tu es aussi auteur jeunesse, comme on le dit en début d'entrevue. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, Julie. C'est un plaisir. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle de CKRL au Salon du Livre. Barbe Rank au microphone. Je suis en compagnie de Vanessa Berger. Bonjour Vanessa. Bonjour Bernadette. Chroniqueuse qui va nous parler du livre Avec pas de scène, écrit par un collectif sous la direction de Myriam Véraud. Exactement. Donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de ma dernière découverte littéraire. Donc, c'est un livre qui est sorti en février 2019 chez Québec Amérique. C'est encore tout frais. Ça s'appelle « Avec pas une scène », comme tu l'as dit. C'est un collectif de plusieurs auteurs, dont certains qui sont très connus comme Jean Desi ou Mélissa Véraud, mais certains aussi qu'on va découvrir dans ce recueil de récits de voyage. Donc, on les découvre là-dedans. Et c'est pas un livre dont j'attendais la sortie. J'en avais pas vraiment entendu parler, mais je suis vraiment restée surprise. Donc, quand je me suis retrouvée avec ce livre-là dans les mains, j'ai eu une certaine curiosité et j'aimerais ça vous lire la première phrase juste pour vous mettre en contexte. Ça commence comme ceci. « Mon oncle Jacques rentre dans le chalet avec son steak au poivre encore cru et nous annonce en grande pompe que le feu est pris dans le barbecue. » Donc, je vous laisse imaginer un peu comment ça déboule. J'ai vraiment aimé qu'on commence tout de suite dans un événement qui est surprenant, mais qui est surtout raconté avec un humour et un langage qui sont délicieux, qui font que je riais très fort toute seule dans mon salon et ça me donnait le goût de continuer à lire. Donc, ça, c'est le récit raconté par Khadija Haidara que j'ai découvert justement. Moi aussi, je la connaissais pas. Exactement, je la connaissais pas. Puis, c'est un de mes coups de cœur avec celui de Jean-François Provençal. Donc, ce que j'aime dans le format du collectif ici, c'est qu'on a vraiment une variété de voix qui est intéressante, qui permet d'aller chercher des gens de différents horizons, différentes orientations. Donc, moi, ce sont deux récits qui m'ont beaucoup parlé. J'ai vraiment aimé l'humour, j'ai trouvé ça très drôle, ça venait me rejoindre moi. Mais je sais que certaines personnes vont peut-être moins accrocher sur ce genre d'humour-là, mais ils vont quand même trouver leur compte dans le livre Avec pas une scène, parce que justement, cette variété de voix-là permet que ça aille rejoindre beaucoup de gens et que tous puissent en retirer du plaisir, ce qui est, je pense, la base de pourquoi on lit un livre. Sinon, il y a Jean Desi aussi qui contribue à ce livre-là. Et on ne le retrouve pas en poésie comme d'habitude, mais plutôt dans un journal de voyage. Sauf que même si on n'est pas en poésie, j'ai trouvé qu'on avait quand même des images très poétiques dans son texte et j'aimerais vous en lire un extrait. Donc ça, c'est le récit de Jean Desi. La solitude est une épreuve. En tout cas, elle est une épreuve pour moi. Je sais bien qu'il faut apprendre à amadouer la solitude, seule manière vraie d'amalgamer le chant de son âme à l'âme du monde. Mais je n'ai pas vraiment le cœur à réintégrer ma maison. Au plus sacrant, Je me dois d'inventer d'autres excursions, d'autres périples, d'autres aventures. Je repars, je repartirai, toujours en quête d'un autre ciel, d'une autre voie, d'un autre lieu. Toujours en quête de moi ailleurs. C'est du genre Daisy tout craché. Oui, mais c'est très beau. Puis c'est justement la quête de l'ailleurs qu'on trouve d'un récit à l'autre. Et j'ai trouvé que justement, c'est quelque chose qui liait. Bon, c'est sûr, c'est des récits de voyage, la quête de l'ailleurs. Mais bon, bref, la quête, excusez. La variété des voix donne une force à ce recueil-là. Mais c'est sûr que, bon, je dois dire que j'ai quand même senti une certaine inégalité entre les récits. Certains qui étaient peut-être un petit peu plus forts par par les émotions qu'ils faisaient ressentir, par le langage. Peut-être que c'est très personnel. Mais j'ai quand même senti qu'il y avait, bon, cette inégalité-là qui existait. Après ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas justement ça, le voyage? Si on veut raconter des récits de voyage, est-ce qu'on peut seulement raconter les moments forts et tout ce qui est agréable, ou il faut aussi justement passer par ces moments d'ennui-là? Je pense que la réponse est oui. Donc, on a vraiment des moments d'euphorie, des moments d'ennui, mais c'est la somme de tout ça qui fait les souvenirs. Et des moments affreux aussi. Le voyage d'Erika Soucy, c'est souffrant, là. Oui, mais je pense qu'il faut les raconter parce que c'est un peu le but des récits de voyage. C'est que c'est justement, si j'ai un mot à mettre sur ce livre-là, c'est que c'est un livre qui est authentique, qui ne va pas essayer de nous montrer la beauté stéréotypée du voyage, hashtag Wanderlust. On est vraiment dans... On a 25 euros par jour pour voyager. Et des fois, on saute un repas pour avoir plus d'argent pour faire des activités. Puis des fois, il fait chaud, puis on a mal à la tête, puis ça ne nous tente plus. Puis on rêve de partir dans des pays incroyables, mais quand on arrive là, finalement, bien, ça ne marche pas du tout, puis on n'aime pas ça, puis on s'en va. Donc, j'ai vraiment trouvé ça authentique et c'est venu me chercher. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé ça. Puis même dans les histoires, on se dit, bien voyons, ça se peut pas, c'est incroyable, ça ne peut pas être arrivé. De se dire, quand on voyage, justement, c'est pas planifié, puis toutes ces choses-là qui arrivent. Donc, j'ai vraiment senti que c'était bien rendu dans les récits de voyage ici. Puis, oui. Non, j'aimerais conclure en vous invitant à tenter le voyage aussi, d'aller chercher ce collectif-là et de le prendre, de l'ouvrir dans l'ordre qui vous tente, d'aller lire un récit, de plonger dans le voyage avec ou sans direction. Donc, le livre Avec pas une scène, si ça vous intéresse, vous pouvez passer au Salon du livre en fin de semaine. Ils sont au kiosque numéro 25. Vous pouvez rencontrer Mélissa Véraud, qui est la directrice littéraire. Elle sera également à l'émission demain. Oui, demain. À quelle heure? Faut que je mette mes lunettes, sinon je vois strictement rien. Elle arrive vers midi 20 ici. Vers midi 20, donc ce sera l'occasion de venir la rencontrer, sinon au kiosque. Et j'aimerais vous laisser justement sur un extrait de son récit qui s'appelle Music from Seattle. Donc, ça va comme suit. L'âme du voyageur est pétrie de contradictions. Il désire voir le monde toujours. Il désire voir le monde, toutefois, partout où il va, il cherche à reproduire sa maison. Merci, Vanessa Berger. Ben, ça fait plaisir. Culturelle. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Du 4 au 14 avril, découvrez le Pop numérique, un nouvel événement grand public qui se tiendra à la Bibliothèque de Québec dans le cadre de la 4e semaine numérique. Au menu, ateliers pratiques pour les aînés ou ludiques pour la famille, conférences sur les enjeux de l'heure, projections, expositions, démonstrations de robots et plus encore. Profitez de l'événement Pop numérique pour apprendre et expérimenter. Pour connaître les détails, visitez lepopnumériqueuc.ca. Vous êtes membre de la Caisse Desjardins de Limoilou? Votre caisse vous invite à un grand rassemblement familial dans le cadre de son Assemblée générale annuelle, dimanche le 14 avril à 10h, au Cégep Limoilou, campus de Québec. Un événement intergénérationnel qui saura plaire à tous ses membres. zones d'animation pour les 18 mois et plus, dîners d'échange, de nombreux prix de participation et la présence du célèbre pirate Jack Sparrow. Inscrivez-vous en ligne à l'adresse aga-2019.eventbrite.ca. T'es tanné de la cabane à sucre style cafétéria? T'as envie de vivre une nouvelle expérience pour le temps des sucres? La cabane urbaine est de retour cette année avec une nouvelle formule 100% sur la route. Que ce soit pour votre club social, votre entreprise ou pour gâter vos clients, la cabane urbaine vous offre un concept de cabane à sucre mobile. Sucrez-vous le bec avec la tire d'érable sur la neige et vivez l'expérience en y ajoutant de la mixologie de l'érable. Ou régalez-vous avec notre offre barbecue des sucres. Le tout dans un décor chaleureux et festif. Réservez votre expérience au www.cabaneurbaine.com ou visitez notre page Facebook. La cabane urbaine, un concept signé stratégique. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale de Loretteville vous suggère Nous sommes là d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. Et Stéphane de la succursale de Saint-Roch vous propose Felipe, une légende dominicaine de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. L'émission Sortie culturelle au Salon du livre de Québec se poursuit avec Julie Collin à l'animation de cette entrevue avec Isabelle Lafortune. Bonjour Isabelle. Bonjour Julie. Donc tu es auteure d'un premier roman très réussi qui s'appelle Terminal Grand Nord, mm-hmm. un polar qui se situe en partie, en majeure partie à Shefferville. Exact. Quoi qu'il y ait une partie, mettons, on va dire la Côte-Nord en général, ouais. mais beaucoup à Shefferville quand même. Un polar très dense, hein. Comme je te disais hors micro tantôt, il y a quand même beaucoup de choses dans ce polar-là, d'une à peu près 300 pages, où tu abordes différents sujets. Au départ, on se retrouve qu'il y a deux corps de jeunes femmes amérindiennes qui sont retrouvées sur le bord d'une trail, mortes. À Shefferville. À Shefferville, mortes. Donc là, ça mène toutes les discussions par rapport au fait de deux jeunes filles autochtones qui sont retrouvées mortes. Tu sais, puis ça, il y a vraiment, ça amène beaucoup de comment je dirais ça? Dans l'immédiat, puis on en parle vraiment beaucoup. Oui, bien sûr, ça, c'est un peu d'actualité, on oui, s'entend. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Pas... Je ne traite pas des femmes disparues, par exemple. C'est vraiment... ça aurait pu être... Ça fait partie d'eux, mais c'est pas à propos de tout non, ça. Non, ça aurait pu être n'importe quelle jeune fille. Non, c'est ça. Ça donne que là, elles étaient à Shefferville. À Shefferville, il y a une majorité d'Innus, oui, Naskapi. Il y a des Blancs, bien sûr. Mais c'est ça. Donc, parce qu'il y a plusieurs Innus, ben c'est ça. C'est ouais. On a retrouvé deux Innus, mais par contre, elles viennent de Manioténam, oui. qui est à Sept-Îles. Sept-Îles, là, c'est à 12 heures de train de Shefferville. Parce que Shefferville, on ne peut pas se rendre en voiture. Oui. On peut se rendre qu'en avion ou en train. Et c'est environ 13 heures de train. Là. Moi, je suis allée plusieurs fois en train, puis je n'ai jamais eu un voyage en bas de 13 heures. Wow, 13 heures quand même. Puis on est à Sept-Îles, là, on s'entend. Donc, c'est loin. Donc, c'est sûr que dans l'enquête, le fait que c'est un village qui est assez inaccessible, finalement, parce que c'est avion, c'est train. Exact. C'est pas des trains. Il n'y en a pas 8 par jour, donc c'est mais quand même c'est assez... très isolé. C'est ça, c'est donc, très isolé. C'est un petit village aussi, c'est quand même pas très grand. Il y a 1500 âmes qui vivent, incluant les Naskapi et les Innus, et les Blancs, tout le monde. Donc, c'est à peu près la grosseur d'une école secondaire, finalement. Wow! Donc, on se dit, ces gens-là, ils vivent... isolé du reste du monde, parce que bien sûr, si tu peux pas faire autrement que de prendre 13 heures de train ou 3 heures d'avion pour te rendre ailleurs, la vie est un petit peu plus compliquée. On est un petit peu refermé sur soi-même. Donc, ça te donnait un terrain très, très, très propice pour faire un polar, bien sûr. Ouais. Et c'est un policier, un enquêteur très réputé de Montréal qui s'en va à Shefferville pour... Exact, puisque déjà des scandales à gauche, à droite avec les policiers. Donc, eux, ils se disent, la ministre de la Sécurité publique public a dit écoute, je veux avoir le meilleur enquêteur. Non, c'est ça. Soit. Et lui, qui n'est jamais allé à Schefferville de sa vie, décide d'y aller avec un de ses amis qui a déjà habité à Schefferville. Exact. Que son ami est écrivain. Exact. Et son ami, dans le fond, il va l'accompagner pour l'initier un peu aux coulisses de oui. Schefferville, parce que des fois, c'est un peu difficile à... Ben, il y a une culture, ouais. Il y a un monde différent, et puis, évidemment, l'enquêteur Émile Morin, il veut arriver là, puis il est très empathique, parce que lui-même a adopté une jeune Innu quand elle était toute petite, et oui. Puis, donc, il est très, très, très sensible et empathique à la cause, donc il veut arriver, il veut pas faire de faux pas, et il veut installer un climat de confiance, bien sûr. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, les personnages sont vraiment tous riches. Oui. Là, je vous vois vraiment, vous illuminez, là, mais sérieusement, c'est très riche. Chacun mais des personnages, il vient vraiment développer, parce que des fois, on voit qu'il y a certains personnages qui sont un peu moins développés que d'autres, et j'ai l'impression que chacun est vraiment bien pensé, puis tout ça. Je le disais au départ, c'est un premier roman. C'est impressionnant. Ben, merci. Merci beaucoup. Bien sûr, j'y ai réfléchi longuement et puis j'ai fait mes études en littérature, bien sûr. Fait que c'est sûr que... Puis j'ai accompagné des auteurs, moi aussi, de l'autre bord de la clôture, un petit peu comme éditrice aussi. Okay. Donc, ce qui fait que je connais un peu le travail d'édition et tout ça. Donc, ça permettait, moi, de savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis je me disais, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est quand même... écrire un polar, c'est pas simple, parce qu'il y a plusieurs ramifications. En tout cas, dans le mien, il y en a beaucoup, là. Il y a pas juste... Il y a toute l'actualité, cette actualité-là qui est le Plan Nord, par exemple, évidemment, qui était mené à l'époque par notre premier ministre en qui j'avais pas nécessairement confiance. Donc, ça me tentait d'en parler. Ça me tentait vraiment d'en parler parce que ces populations-là, les populations locales ne sont pas nécessairement consultées et tout ça. Bien, donc, c'est sûr que c'est une trame de fond parce que mon angle d'approche, c'est surtout de l'intérieur. Je veux dire que finalement, là, tout ce qui s'esquisse alentour, c'est un peu comme un fantôme qui vient entourer la ville pour mettre une pression supplémentaire oui. à cette région-là qui est complètement isolée et qui rend les gens vulnérables aussi. J'imagine que vous connaissez bien Schefferville. Ben oui, je suis allée quand même à plusieurs reprises sur une dizaine d'années. Le père de mon ex-conjoint avait l'hôtel là-bas. J'ai travaillé à l'hôtel. J'ai fait un peu de suppléance à Matimé-Coche. Ce qui fait que j'ai rencontré les populations locales et j'ai vraiment un coup de cœur pour ces populations-là. C'est vraiment un peuple intéressant. Bien sûr, il y a des difficultés, mais évidemment, ce serait n'importe qui, n'importe où, quand tu es isolé sur toi-même, puis qu'il y a un peu aussi de désœuvrement, parce qu'à un moment donné, la ville s'est vidée en 1982, Schefferville. Donc, il a fallu tout restructurer ça. Puis là, je trouve ça très intéressant parce qu'ils sont en train de se reprendre en main, puis vraiment d'essayer d'installer quelque chose de très, très, très le fun. Là. Comme dans le roman, il y a des projets miniers. Ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Hein? C'est que... bien sûr, parce que ça dépend toujours comment c'est fait, puis à l'avantage de qui et ouais. au détriment de qui. J'ai mis un peu ça en scène, là, parce que il n'y a pas toujours des... il y a des gens qui sont pas gentils, il y a des gens qui se battent pour que les choses soient justes et équitables. Je ne raconterai pas le punch, parce que je ne fais jamais ça, mais je le dis haut et fort, j'ai crié quand j'ai su c'était qui. quand j'ai tout compris... À la page 302, j'ai vraiment crié. C'est vraiment super réussi. Tellement bien réussi que c'est même un projet de film. Oui. On a obtenu un financement de la SODEC et de Téléfilm Canada pour aller en développement. J'ai un producteur, deux producteurs, en fait, qui se sont associés. Michel Gauthier, qui est à Québec, d'ailleurs, et qui a fait plusieurs séries, dont Blanche, entre autres, à l'époque. Et puis PVP à Matane, qui, eux, sont déjà dans le Nord. Et ils ont aussi fait un documentaire sur le train Sept-Îles-Schefferville. Alors, ça les a interpellés immédiatement. Ensuite, y a François Bouvier qui a fait La Bolduc, Paul à Québec, entre autres, qui, lui, il a été emballé par le livre. Et puis, il m'a dit, allez, go, on y va. Alors, on a déposé la semaine dernière la première version dialoguée. Donc, j'ai hâte que ça avance encore plus vite, là, parce qu'on est pressé. Hein? J'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de vous travaillez sur le scénario. Oui, c'est ça. Comme je vous dis, la première version du scénario a été déposée la semaine dernière. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail encore à faire, mais on est pas mal avancé. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture Il y aura probablement la suite, hein, parce que... Oh! Oui, c'est ça. Puis, j'ai pas fini de faire dire à certains personnages des choses. Puis, je les aime. Vraiment, je les aime vraiment beaucoup. Sam, Émile, Giovanni, Angeline. J'avais, tu sais, je me suis couchée quand même pendant 2 ans avec eux autres dans la tête. Puis c'est vraiment comme une vie parallèle, hein. On s'adore. Puis là, ben, j'en parle comme ça, mais ils font partie comme de ma vie, finalement. Et puis, j'avais envie de leur faire dire encore autre chose. Oh, je connais quelqu'un qui va être content. Jacques Vaillancourt, de l'émission qu'il avait lue. Ah, oui. Il l'avait dit avant qu'on passe en onde. Il a dit, hey, j'espère qu'il y a une suite à ça. Mais lui, il vient de cette île. Hein, fait que lui, il avait déjà ce regard-là. Ah, ben écoute, j'ai beaucoup de gens de cette île, même de Schefferville, qui m'écrivent pour me dire qu'ils se reconnaissent là-dedans. Mm-hmm. Ça, c'est ça, là, j'ai plein de beaux compliments, mais ça, quand c'est les gens de la place qui te disent... Oui. Hey, je me reconnais. Ouais, c'est ça. Wow, c'est pas une caricature de ma région. Non, tu parles vraiment. Ça m'a tellement fait plaisir. Là, c'est fou. C'est, puis là, ben, je reste en contact. On se parle. Il me raconte des anecdotes. Ça va sûrement alimenter le deuxième aussi, le deuxième roman. OK. Ben, suivre l'émission. L'entrevue sera à sa fin, pas l'émission, pas en toute. Donc, l'entrevue sera à sa fin. On peut vous voir à partir de 15h au kiosque 301? Oui, au kiosque DXYZ. C'est ça, dans le fond, que vous allez... Urtubise, HMH, là. Oui, puis ensuite, j'ai une table ronde avec Jean-Jacques Pelletier, entre autres. Là, on est quatre auteurs de polar sur la scène Radio-Canada à 4h30. Ça, ça devrait être le fun. J'ai hâte de rencontrer les autres auteurs qui m'accompagnent là-dedans. J'ai vraiment hâte. Une table ronde sur le polar reflet de la société. Exactement. Ouais. Portrait sombre de la société. Ouais, c'est ça. Comme ça. Exact. Ben merci beaucoup, Isabelle Lafortune. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci de m'avoir invitée. Merci. Au revoir. Toujours à l'écoute de Sorties culturelles au Salon du Livre en compagnie de Barbe Rink. Je suis accompagnée de Christiane Vadney. Bonjour! Hey, ça faisait longtemps que, depuis que j'ai lu Faune, fallait que je te reçoive. Là, je vais lire mes notes parce que c'est bien trop impressionnant. Premier roman, t'as pas gagné le Robert Clich, mais c'est quasiment mieux. Il y a vraiment un accueil enthousiaste. Tu fais partie quand même depuis 12-13 ans. Tu fais partie intégrante du milieu du livre ici à Québec. Tu as gagné le prix de la création littéraire de la Ville de Québec et du Salon du Livre. Tu as été coup de cœur et nobré. Tu as été dans les 10 meilleurs romans 2018 pour plus on est fou, plus on lit. Tu te fais comparer à Caroline Georges et Esther Rochon. C'est quand même pas rien, là. C'est pas gênant. Non, c'est pas gênant du tout. Ça te fait quoi, là, d'être reçue comme ça? Bien, en fait, c'est un peu irréel, on dirait. Surtout au début, là, les premières nouvelles, justement, ouais. Tu sais, ça a bien parti tout de suite, mes premières critiques. J'étais comme un peu... comme perplexe. Ouais. C'est difficile de réaliser quand on a passé autant de temps à... Dans la matière du texte, ouais. À écrire, à réfléchir. Puis là, tout d'un coup, en fait, c'est comme si ça lui donne vraiment sa vie à lui. Moi, je trouve qu'on réussit un peu à se détacher de son bébé avec la réception critique puis tout ça. Puis évidemment, ben, je suis vraiment contente. Le fait de recevoir le prix Ville de Québec, en fait, c'est drôle. Ça m'a comme, pour la première fois, je me suis sentie auteur. J'avais beaucoup de... de peur de m'affirmer comme auteur. Je me sentais pas légitime. Je trouve qu'il y a tellement des auteurs qui écrivent des belles choses. Je suis tellement admirative d'autres œuvres que je me sentais pas capable de me dire écrivaine. Puis là, on dirait que ça arrive. C'est en train d'arriver. C'est bon, ça. Ça me rassure pour la suite des choses. Parlons de faune au pluriel. Tu racontes un monde apocalyptique. C'est pas post-apocalyptique. On est encore en plein dedans. Et... C'est les éléments qui reprennent le contrôle du monde, des animaux et des humains, avec tout ce que ça inclut. Et je trouvais, dès la première lecture, parce que j'en ai fait plusieurs de ce livre-là, des lectures, ma première lecture a vraiment été, mon Dieu, pourquoi personne n'y a pensé que l'humain s'adaptera au monde comme il existe? parce que j'en ai lu des romans apocalyptiques, post-apocalyptiques, mais finalement, l'être humain, il reste qui est. Il a 5 doigts, 2 yeux, 1 nez. Et là, toi, tu sors de ça. Oui, bien, en fait, l'impulsion de départ, c'est vraiment ça, en fait, de nous reconsidérer comme des êtres faisant partie de la nature, animaux, tout ça. C'est drôle parce que souvent, en fait, l'animalité est vraiment considérée comme quelque chose de négatif. On va parler d'animalité dans le cas de crimes graves, de choses étranges. Comme qu'un animal ne ferait jamais ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est un autre... Bien, en fait, oui et non, c'est pas tant une autre chose. C'est aussi que, en fait... Moi, je voyais aussi l'animalité comme une façon de se reconnecter avec un corps. Hein. On vit dans un monde tellement plein de téléphones, de virtualité, d'Internet. Là, se dire des cellules, se dire quelque chose justement qui peut évoluer, qui est traversé par des forces plus grandes comme les forces de l'évolution, tu sais, modifié par son environnement. Pour moi, c'est ramener quelque chose de l'animalité qui est... auquel on doit se reconnecter, qui n'est pas nécessairement ni positif ni négatif. Enfin, moi, je ne voulais pas être dans une thèse là, en faisant ce livre-là, mais je me disais juste, je pense qu'on a besoin de ça à notre époque pour se reconsidérer comme faisant partie du grand tout des choses qui existent. Oui. Et bon, ton personnage qui revient, parce qu'il y a la forme aussi qui est intéressante. On ne sait pas trop, est-ce qu'on est dans un roman, dans des nouvelles? Moi, je dirais que c'est sous forme de nouvelles, c'est un roman, parce qu'on suit quand même le personnage de Laura, qui est scientifique là-dedans, et qui est comme... Ça commence très fort tout de suite. Et... Tabarnouche! Je viens d'avoir un call qu'on a presque passé à travers. Ça a passé vite. écoute... Il y a le monde aquatique, il y a vraiment qui prend le dessus aussi. Est-ce que c'est une inquiétude que l'eau nous ravale? Bien, l'eau, c'est un symbole qui est super fort. Puis pour être honnête, en tant qu'auteur, là, ça m'est juste venu parce que j'ai beaucoup d'images d'eau. Je trouve ça vraiment inspirant, puis tout ça, puis c'est facile. Mais je veux dire, c'est aussi justement dans cette idée-là que ce qui tombe du ciel, pour moi, en fait, ouais, l'eau, ça venait de la pluie, ça venait des tempêtes de neige, qui sont des fatalités qui tombent du ciel et qui sont une des rares choses en ce moment qu'on n'est pas capable de contrôler, en fait, en tant qu'être humain. On a vu ça, il y a deux jours. On ne peut pas contrôler l'hiver qui nous tombe dessus. Donc, c'est de ça dont j'avais envie de parler, de cette impossibilité de maîtriser certaines choses. Et puis, la météo est une des dernières choses qu'on est incapable de contrôler sur notre planète en tant qu'être scientifique et tout ça. Donc, dans le livre, justement, c'est comme un symbole de la menace absolue, en fait, parce que moi, je voulais qu'on se sente dans une ambiance un peu pré-apocalyptique. Moi, c'est ce que c'est qu'en fait, on est dans le moment, on est toujours dans la tension de l'imminence où qu'est-ce qui va arriver avec ce monde-là? On sent qu'il est en train de se transformer, mais pourquoi, comment, vers où, on le sait pas. Écoute, il nous reste, ça a l'air plus de temps, il va falloir que je te réinvite ou on va en jaser, toi et moi, parce que, Calvin, que j'ai l'impression qu'on n'a encore rien dit. Moi, j'invite tout le monde à venir te voir. Tu vas être les prochains jours chez Alto, qui est vraiment, vous rentrez dans le salon à droite, vous tombez dans le stand d'Alto. C'est vraiment bien placé cette année. Je te souhaite encore beaucoup de succès avec ce livre-là, qui vit visiblement au-delà des 3 mois d'office dans une librairie. Et surtout, je nous souhaite plein d'autres livres de ta part. Merci, Christiane. Merci. êtes toujours à l'écoute de la sortie culturelle au Salon du Livre. Vous êtes en compagnie de Barbe Rink et moi, je suis avec Myriam Allard. Oui, bonjour Barbel et bonjour Myriam, à tous. Tu vas nous parler du roman Fée de Aïcha Marjara. Oui, exactement. Donc, Aïcha Marjara, c'est une nouvelle auteure. Ce roman-là, le roman Fée, vient de sortir en janvier 2019. Aïcha Marjara est connue pour être une cinéaste montréalaise. Donc, c'est un premier roman, c'est une autofiction, parce que le roman Fée va parler de l'anorexie, un sujet quand même assez lourd. Aïcha Marjara, durant son adolescence, a vécu des événements similaires à son personnage Lila dans ce roman-là. Donc, c'est publié par les éditions Marchand de feuilles. Ça, le format caractéristique vraiment de ces éditions-là, par le format un peu enveloppe. Donc, ça parle d'anorexie. Je vais vous lire le résumé, car je suis sûre que ça va être bien meilleur lu que pensé par moi. Donc, Fée est l'histoire de Lila, une jeune fille imaginative qui se trouve sur une trajectoire dangereuse menant à la vie de femme. Enfant en surpoids, elle se rebelle contre son identité, sa famille, son corps et sa sexualité en refusant de manger. Patiente dans un hôpital, elle reçoit un traitement contre l'anorexie. Conduite par un besoin irrationnel de défaire la nature et de déjouer l'écoulement du temps, Lila raconte son enfance dans les années 80 lorsqu'elle grandissait dans un petit village. Donc, c'est pas mal ça le livre. On pourrait se poser la question « Pourquoi Fée? » Ça peut paraître vraiment mystérieux car c'est un livre qui parle de l'anorexie. Mais en fait, le mot « Fée », c'est le sobriquet utilisé par le personnage Lila pour parler de son anorexie. Ça va être jamais vraiment dit tel quel anorexie, mais la fée, ça va être son anorexie. Et quand sa maladie va commencer à s'immiscer en elle, elle va parler d'un cocon, d'une chrysalide. Puis à la fin, lorsqu'elle va être vraiment, vraiment très atteinte par sa maladie, la fée va commencer à s'épanouir, déployer ses ailes. Donc, c'est vraiment pour ça que le titre s'appelle « Fée ». Je peux vous donner une citation, par exemple. Lorsque la fée commence à se développer en elle durant sa préadolescence, « J'ai invoqué un être mythique, une créature d'une force infinie et d'une beauté sans bornes. Sans être tout à fait humaine, elle était élancée et translucide. Elle grandirait à l'intérieur de moi et deviendrait plus forte avec le temps. » Cette créature n'avait pas encore de nom, mais vous vous doutez que dans les prochaines pages, on va savoir que ça va être le mot « fée ». Donc, pourquoi je me suis intéressée à ce livre-là? Ben, moi, je suis vraiment comme une enfant. Vous pouvez me juger si vous voulez. Moi, je m'intéresse à un livre par sa couverture. Puis franchement, ce livre-là, c'est vraiment super, la couverture. Là, bravo à l'équipe qui a réalisé la couverture. On dirait un peu une deuxième version moderne à La Belle au bois dormant. On voit une fille étendue, entourée de fleurs roses. Et je trouve ça vraiment très romantique. Ça fait vraiment une petite œuvre d'art, ce livre-là, par Aïcha Marjara. Donc, c'est vraiment pour ça. Mais j'étais aussi intriguée par le sujet d'anorexie. J'ai jamais vraiment lu de roman psychologique. Donc, c'était vraiment une première pour moi. J'ai jamais lu sur l'anorexie. Le titre Fée est vraiment, vraiment beau. C'est pour ça que Lila l'utilise aussi, parce que c'est un mot qui évoque la féminité, qui évoque la grâce. Donc, c'est ça ici. Mon appréciation? Ben, vraiment, moi, j'ai vraiment pas été déçue. Je trouve ça très bien. C'est vraiment court, mais ça se lit vraiment très, très vite. Puis le personnage Lila, on a envie de le comprendre parce qu'on se demande pourquoi elle se fait endurer ça, pourquoi elle est son propre martyr. Donc, c'est pour ça. Mais il y a quand même un peu d'espoir dans ce roman lorsqu'elle va se lier d'amitié avec une patiente qui est, elle aussi, anorexique. Donc, vraiment, c'est à lire un super beau roman d'Aïcha Marjara, Fée. Chez Marchand de feuilles. Merci, Myriam Allard. Merci. Au revoir. Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de la sortie culturelle au Salon du Livre. Je suis avec Frédéric Bois. Bonjour Frédéric. Bonjour. Viens nous parler d'Une affection rare de Catherine Lemieux, un premier roman. Oui. Donc, Une affection rare, Catherine Lemieux, est parue chez Triptych en septembre dernier. C'est un roman qui porte sur la démesure des relations amicales qu'on entretient à l'adolescence, le petit côté amour-haine possessif et intrusif qu'on a avec nos amis. Donc, oui, ça parle des amitiés malsaines, ça parle d'aimer fort ou de vouloir aimer fort, mais pas savoir encore comment gérer ça. Donc, oui, c'est la jalousie, l'incompréhension, les comportements à l'extrême. Les personnages dans le livre sont assez lucides, par contre. Ils ont une conscience que ça fonctionne pas, que quelque chose qui cloche, mais on a tellement envie de tester nos limites, d'aller au-delà de ça, d'aller dans le trop. On veut baigner dans le trop, on veut comprendre c'est quoi. On ressent aussi la quête d'identité, les personnages, prendre conscience de notre fragilité, de notre complexité, tout ça. Donc, Sarah et Anna ont tellement la hantise de s'agglomérer dans la masse du tout pareil qu'elles font tout pour pas se conformer aux normes sociales. Donc, c'est se teindre les poils de sel en bleu, c'est se maquiller à l'excessif, tout ça, les yeux oranges, vraiment dans un univers super punk rock. Donc, la musique de Pixies, Sonic Young, Siouxsie, nommez-en, il y en a. Mais ça joue aujourd'hui, parce que c'est quand même une musique qui est presque de ma génération. Là, Tout à fait, c'est des classiques, ça ne démode pas, hein? C'est très fort aussi. Oui. Donc, voilà, c'est Catherine Lemieux nous parle en fait de des situations, j'aime pas le terme banal, mais c'est quand même classique, une amitié comme ça à l'adolescence, mais elle le fait en traitant des émotions d'une manière vraiment sincère et authentique. Donc, je pense qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est surtout une critique sur cette force émotive-là qu'on perd un peu à l'âge adulte, quand on devient comme un peu mou, endormi, puis c'est comme ça qu'elle décrit la ville de Québec en général, je pense. Donc, c'est cette haine commune-là qui rassemble les personnages, cette haine contre la ville, contre les autres, contre sa propre vie. Puis, l'écriture, c'est magnifique, c'est super bien écrit. Un chapitre sur deux, on assiste à un cours de natation d'Anna. Donc, il n'y a aucun signe de ponctuation. Il se lit d'une traite. Puis là-dessus, on peut comprendre, on voit vraiment bien l'essoufflement que le personnage ressent physiquement. Puis aussi, par sa maladie, en fait, elle a des algues au poumon. Donc ça, c'est des ombres qui se créent des taches sur nous. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous empêche un petit peu de respirer, ça nous étouffe. Ça traduira assez bien les états d'âme là, d'Anna dans le livre. Je vous en lirai un extrait. Oui, s'il vous plaît. Donc, à la page 40. Ah, junior frontal, champion de baseball municipal et beauté taciturne sans égale. Grand cœur éprouvé par ces élans mal orientés, mon incompris de compétition, mon érudit muet, je buvais les paroles que je t'inventais. Je gage que je te reverrai en rêve, étudiant les nouvelles du sport, dévorant du jambon cru, plissant ton front louable. Serais-je à jamais hanté par l'écho de tes mastications énergiques? Junior frontal, il disait que tu étais méchant, je savais que tu étais triste. Combien j'aimais tes yeux perdus, transis de virilité tonique et de tendresse contenue. Tes yeux ne disaient rien, eux non plus. Ta sagesse impénétrable s'exprimait dans tes baisers généreux en salive. Par vagues mousseuses, tu m'envoyais des coups de langue imparables. Pour toi, je me laisserais laisser couper la langue, écrire ton nom en point de suture. Je me serais laissé marquer au fer rouge, sur l'aine, là où les veines percent sous l'épiderme. J'aurais porté ton nom sur la langue, sur l'aine et sur la joue, tatoué à l'encre verte comme la jalousie qui érafe ma gorge de ses ongles crottés. C'est très beau. C'est très beau. Donc, c'est ça, le livre de Catherine Lemieux, Une affection rare. C'est paru chez Triptych. C'est vraiment magnifique. Si vous avez envie de rire aussi, c'est possible. Il y a beaucoup d'humour dans le livre, de l'ironie à souhait dans toutes les pages. Donc, ça fait qu'on le trouve chez Triptych. Je sais que Catherine Lemieux n'est pas au Salon du livre. Non. Parce que j'avais essayé de l'avoir en entrevue et ça n'a pas fonctionné. Merci, Frédéric. Ça me fait plaisir. Belle journée. Sortie culturelle. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? prendre part à une création théâtrale, suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android, réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale, participer à des ateliers de francisation, le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Le 11 avril, 19h, ne ratez pas la prochaine soirée Pitchakucha Québec, présentée au Musée de la civilisation à l'occasion de la Semaine numérique de Québec. 12 personnalités de tous les univers créatifs relèveront le défi de présenter leur travail en 6 minutes 40 secondes à l'aide de 20 images qui, elles, resteront à l'écran 20 secondes chacune. Au programme, Marc-Antoine Cafaneuf, Philippe Bourque de Poulet Neige, David Massicotte de Noctura, Colin Niès du Musée de la civilisation, le metteur en scène Émile Beauchemin et plus encore. Le 11 avril, 19h, venez faire le plein de créativité et pas d'excuses, c'est gratuit. Pour plus d'informations, suivez Pitchakucha Québec sur Facebook. Pneu Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400$ au meilleur centre de pneus à Limoilou. Du 15 au 25 avril, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 26 avril. Pneu Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 418-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneu Bazar, on prend soin de vous. La boîte à pain présente le pain du mois, le romain. Ave César, l'empereur de tous nos pains est composé à 100% d'une farine de blé ancienne très protéinée, le durum. Donc, après l'avoir digéré, laisse ton corps de gladiateur crier férocement « Vini, vidi, vici ». L'argent ne fait pas le bonheur, le blé, oui. Le romain, 25% de rabais. Boiteapain.com. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Nous sommes à Sortie culturelle, Julie Collin au micro, accompagnée de Marie-Renée Lavoie. Bonjour Marie-Renée. Allô Julie. Donc, invitée d'honneur aujourd'hui. Oui. Grosse journée. Grosse journée, grosse merci journée. Merci de prendre le temps de venir nous ah, voir. C'est... Bien, merci à vous de l'invitation. C'est... Non, c'est vraiment chouette. Donc aujourd'hui, on a un petit 8 minutes pour parler ensemble rapidement de « Les chars meurent aussi », qui est un livre dont on a déjà parlé. On t'a déjà reçu aussi pour oui. Une ville, un livre. Okay, oui. Donc, parce que dans le fond, t'es le livre de l'année... qui voyons représente la ville de mais Québec. Oui, du mois de mars, du moins, mais oui. Ouais. Oui ben, voilà. En fait, c'est parce que ça une fois par année. Une fois donc, par année. Donc, plus que le mois de mars. Je pense qu'au mois de mars, c'était les activités qui étaient concentrées là, mais toute l'année, c'est le livre toute de la vie. OK, le livre de l'année. Le livre de l'année. Et aussi pour le dernier Camelot, oui. Un livre jeunesse, un peu plus 9-12 ans. Oui, il est classé 9-12. Bon, à partir de 8-9, je pense qu'avec un peu d'accompagnement, ça va. Puis des bons lecteurs. Un bon lecteur. Parce qu'on se promène un peu dans le temps. Il faut quand même avoir des petits repères, se faire aider peut-être un peu, des fois, quand on est plus jeune. Mais un bon lecteur se retrouve facilement. C'est deux romans très différents parce que dans Les chars meurent aussi, c'est très réaliste. Oui. On est en basse ville. C'est des personnages, en fait, qu'on pourrait croiser dans un milieu un peu moins aisé. C'est aussi la... Dans le fond, les... pas les rivalités, mais les difficultés, dans le fond, d'être une fille de la basse ville qui aimerait ça, aspirer à certaines choses. Est-ce qu'elle peut, parce qu'elle est de la basse ville, elle rencontre un gars de la haute ville, puis ça, il y a toutes ces affaires-là. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de personnages aussi, quand même. Il y a beaucoup de réalités. Elle a une petite fille aussi qu'elle aimerait ça la petite sauver. Indie, ben oui. Qui est toute poquée, toute maganée, qu'on aimerait donc adopter. Ça brise le cœur. On a tout envie de l'adopter. On espère que ça se peut pas, cette histoire-là, mais pourtant, ça se peut. Ah, malheureusement. Mais, non, c'est ça, c'est que c'est vraiment c'est super. On sent aussi un clin d'œil à la petite fille et le vieux. Oui, mais je suis revenue dans le même univers, un peu dans la même atmosphère. On n'est pas tout à fait dans le même... Ben, on est dans le même milieu social, mais je suis allée, je ne sais pas comment dire ça, dans une autre, sur une autre strate. Oui, un tout peu. À fait. Je suis allée là, je suis allée dans les garages, je suis allée dans le fond des ruelles, je suis allée avec des gens encore moins instruits... dans une couche peut-être un petit peu plus poquée, peut-être, disons ça comme ça. Mais j'avais envie, oui, de revenir dans cette atmosphère-là. Ça m'habite beaucoup, ces lieux-là, cette époque-là. Et je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, les cellulaires. Moi, ça brise beaucoup, beaucoup des ressorts narratifs que j'aime ou des dramatiques. Et donc, j'aime ces années-là. Pour ça. Et oui, c'est ça. C'est un univers que j'aime bien. Puis d'ailleurs, la Hélène de La Petite et le Vieux vient faire son tour dans les chars. Ah oui, c'est ça. C'est, oui, on va se retrouver au bingo encore une fois avec Hélène. Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu le clin d'œil. Puis là, je me disais, mais oui, non, aussi, j'ai déjà lu ça. Moi, l'affaire de bingo avec les quatre rangées. Puis ça. Puis je me posais la question. Je disais, mais oui, c'est là. C'est La Petite Hélène. Et Anthony de la Maison de la Littérature qui me disait que ça s'appelle un coco de Pâques, ça, quand tu glisses des personnages ou des petits clins d'œil. Moi, j'appelais ça des caméos, comme au cinéma. Mais ils m'ont dit, non, c'est un coco de Pâques. Les gens s'amusent à les chercher. Ah. Là, on arrive proche de Pâques et c'est un beau... intéressant. Ouais. Je glisse toujours des cocos de Pâques, maintenant que je connais le terme, je le dis, là, dans mes livres, ici et là. Tu sais, dans Femme plate, il y a Zazie qui passe à un moment donné, c'est un petit coco de Pâques. Ouais. Voilà, je fais des petits cocos. On voit aussi beaucoup l'importance de la lecture, parce que la mère du personnage principal, pour elle, la lecture, c'est super important. C'est la façon de s'évader, d'avoir accès à un imaginaire, à une vie, puis tout ça. Elle compte les livres en nombre d'heures. Ouais. Donc, elle, pour elle, c'est pas un livre de 300 pages, c'est un livre de 6 heures. De 6 heures, mettons, pour organiser son temps, survivre aussi à la morosité des journées passées dans une guérite de stationnement, voilà, on se fait un horaire du jour avec on y va avec les lectures pour compter. Puis évidemment, il faut varier aussi ses lectures, puis savoir ce qui fait du bien ou pas. À certains moments, on va prendre un petit 3 heures, un petit Daniel Steele, ou même un Harlequin, parce qu'elle, elle lit de tout. Hein, elle aime tout et... démocratisation totale de la littérature, c'est on y ça. Va. Mais des fois, elle lit du Marquès aussi. Oui, c'est ça. Mais oui, elle organise sa vie avec des heures en fonction des livres lus. Et elle soigne les gens autour d'elle aussi avec des livres. Et oui, c'est très important. Je pense que c'est un motif qui revient souvent dans mes affaires, sur la lecture. C'est besoin important d'imaginaire, de s'évader. Oui. On l'imagine. On passe déjà au dernier camelot, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'en parler. Donc ça, c'est un roman jeunesse où est-ce qu'il y a une portion quand même assez fantastique. Ouais. C'est un camelot, c'est un jeune homme, Joe, qui se promène le matin très tôt pour faire sa tournée de journaux. Et à un moment donné, dans le fond, sa voisine qui s'occupe de la petite sœur, elle se retrouve à l'hôpital. On voit que c'est les derniers temps de sa vie un peu. Et là, elle lui remet des objets. Ouais. Particulier, je ne sais pas trop c'est quoi, et ce objet-là lui permet d'aller dans le temps. Dans le temps. En fait, c'est que la vieille va demander à Joe, tu sais, et sur au seuil de la mort, bien, peux-tu rendre ça à des gens? Faudrait que tu rendes ça, mais elle lui dit pas qu'il va devoir aller dans le temps. Elle non, lui, ça, c'est pas partout. Elle lui donne un coupe-papier pour commencer, et Joe va juste mettre le coupe-papier dans sa poche, et le lendemain matin, en passant les journaux, en mettant la main dans la poche, parce qu'on comprend que c'est pendant les tournées de journaux que ça se passe, ces retours-là. Quand il se retrouve tout seul dans le noir, dans une ruelle, et donc touche la lame et il est envoyé dans le temps au moment où il va retrouver la personne à qui ça appartient. Oui. Et là, c'est toujours par toutes sortes de hasards. Et donc, quand il va rendre le coupe-papier à la personne qui retrouve son coupe-papier, bien évidemment, il va être recatapulté dans le temps et il revient dans le présent. Mais le présent n'est plus tout à fait le même. On est dans une uchronie, donc ça a modifié un peu le présent dans lequel on vit. Et comme ça, il va et vient. Et là, elle va lui donner un autre objet, un bout de vieille harmonica. Et là, il commence à comprendre un peu le principe. Donc, quand il met ça dans sa poche, il dit « OK, quand je vais le toucher... » Je vais voyager, donc après ça, ben voilà. Il est là, je ne dis pas le reste. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire, mais ça a vraiment des impacts en plus, parce qu'il pourrait se dire, ben c'est un rêve, puis ça, mais non, mes souvenirs ont vraiment disparu, puis ils ont disparu dans l'ancien temps. Oui, ça modifie pour vrai, oui. Voilà. Il se retrouve en 1937, si je ne me trompe pas. Oui, il y a de la misère à savoir, il est en quelle année. C'est ça, les c'est enfants pas clair, qu'ils rencontrent n'ont pas l'air non plus de savoir exactement. C'est pas important. De toute façon, savoir à quelle année on est, puis quel âge qu'on a. Ben justement, avec le. En tout cas, il n'y avait pas de cellulaire. Il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Puis la question de l'âge, bon, comptait beaucoup moins, parce que si on travaille sur une ferme, on se trouvait à conduire des chevaux, parce qu'on est encore, et les choses qu'on faisait n'étaient pas aussi cadrées dans le temps selon certains âges. Et les enfants, parce que j'ai connu des vieux qui ne savent pas exactement, tu sais, à moins d'avoir une carte, ils ont comme un flou sur leur âge, et j'ai déjà ma grand-mère, oh, c'est toujours à peu près. Quand t'arrives proche du 100 ans, tu le sais. Mais dans leur jeunesse, perdre le compte de leur propre âge, ça se pouvait à une époque. Aujourd'hui, je pense que ça se peut pas à l'ère des égo-portraits, du tout à moi et du... je pense qu'on n'oublie pas, mais il y a eu une époque où c'était quelque chose de relativement important. Quand vous êtes 23 enfants dans une famille, on ne vous fera pas une fête d'amis non plus quand c'est votre fête mais et non. Tout ça. Donc, il y a des gens, littéralement, qui avaient une idée un peu floue de leur âge. Et ça me fascinait complètement. Ouais. Ouais. C'est déjà terminé, l'entrevue? Non! Ben oui! Je l'avais dit, non, ça passerait vite. Pas. Ben, t'as une animation aussi, hein? T'es oui, attendu c'est déjà c'est ailleurs. Ça, c'est attendu ça. Ailleurs sur une scène. Laquelle? Je regarde Geneviève. On s'en va où, Geneviève? On ne sait pas. On s'en va où, là? Suivez-la. Rendez-vous littéraire. La scène des rendez-vous littéraires. Voilà. D'un instant à l'autre. Sinon, à partir de 14h, t'es en séance de signature à la voyons, au kiosque 301. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon salut, René là. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle au Salon du livre. Barbe Rank au microphone. Je suis en compagnie de Nadia Gosselin. Bonjour, Nadia. Allô, Barbe. Qui ne vient pas nous parler d'un livre? Hier, quand j'ai annoncé que je te reçois, j'étais présentée comme une aidante naturelle aux auteurs. On peut voir ça comme ça. Tu es une grande voyageuse. Tu vis la plupart du temps pas au Québec. Exactement. Tu es ex-professeure, tu es écrivaine aussi. Oui. Et tu tiens le blog et le service littéraire Le Pigeon Décoiffé. Le Pigeon Décoiffé, en fait, qui est un webzine pour auteurs, ouais. Et qui offre également des services littéraires. Je suis dans ma 7e année, là. Oui, je sais. Très bien. Je sais, ça oui, va bien, hein? En fait, j'en suis ravie. Disons que l'entreprise a gagné beaucoup en popularité, en notoriété depuis ces 7 dernières années. Maintenant, le Pigeon Décoiffé fait travailler une demi-douzaine de pigistes. Ah oui? Oui. T'es même plus toute seule. Non, t'engages. Oui. C'est devenu boss. Exactement. Alors, donc, je m'entoure de professionnels compétents qui sont soit des lecteurs professionnels, soit des réviseurs linguistiques, donc pour justement pouvoir répondre de mieux en mieux aux besoins de ma clientèle, qui sont essentiellement des auteurs, donc soit des auteurs débutants, soit des auteurs qui sont déjà professionnels, mais qui ont des fois envie de retravailler un peu leur ouais. texte avant de l'envoyer à l'éditeur pour avoir... Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent? Le plus souvent, c'est un avis global sur un manuscrit. OK. Donc, un avis général sur un manuscrit avant de l'envoyer aux éditeurs. On veut avoir comme un avis à savoir s'il y a des... Bon, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, s'il y a des choses qui seraient à retravailler. Donc, essentiellement, je te dirais que ça, c'est pas mal le service le plus populaire. On fait une fiche lecture, on fait comme une simulation. Tu sais, quand il y a certains éditeurs qui ont des comités de lecture à l'interne et d'autres oui. éditeurs fonctionnent avec des lecteurs professionnels pigistes. Mm-hmm. Alors, donc, ils envoient les manuscrits à lire et les lecteurs professionnels produisent des fiches de lecture avec oui. des commentaires. Mais cette fiche de lecture-là, normalement, ça reste à l'interne. Tu comprends? Ça se rend jamais jusqu'à l'auteur. L'auteur ne saura jamais qu'est-ce qui a été dit ouais. à propos de son manuscrit. Et c'est juste, on le prend ou pas. Exactement. Et souvent, c'est et pas. Oui, puis on peut comprendre aussi, parce que si l'éditeur commence à transmettre cette info-là, je veux dire, on s'en sort pas. Là. L'auteur voudrait toujours en savoir plus. Puis bon, mm-hmm. C'est pas le mandat des éditeurs de commencer à fournir des conseils. Donc, tandis que toi, tu le fais ben, ce que pour l'auteur. Ce que le Pigeon Décoiffé propose, c'est de faire comme une simulation de comité de lecture, en fait, ben, à quel genre de commentaires pourrait donner lieu ton manuscrit si tu le soumettais à un lecteur professionnel? Alors, ouais. donc, on fait comme l'exercice. Sauf que j'adapte la fiche en fonction de l'auteur, c'est-à-dire qu'on fournit des pistes de solutions pour régler, mettons, certains problèmes. Oui, c'est ça. Ce qu'on ne fait pas normalement dans une fiche lecture qui est adressée à l'éditeur. Là. À l'éditeur, on va se contenter de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Puis, Bien, quand même, pour en avoir déjà fait, on dit quand même, que, surtout quand c'est des problèmes mineurs, remarque, on dit quand même, ça pourrait être vite réglé. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors que quand on l'adresse directement à l'auteur, bien là, on va peut-être essayer de fournir plus de pistes de solutions pour corriger les faiblesses du manuscrit. Oui. Voilà. Est-ce que tu les conseilles aussi à qui envoyer un livre? Parce que c'est bien beau, c'est long écrire un livre, ça, on s'entend là-dessus, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de relecture et réécriture, ce que les gens sous-estiment souvent. Non, je pense que tant qu'on n'a pas écrit un livre, on ne se rend pas compte de l'ampleur de la tâche. Quand on l'a terminé de l'écrire, on pense qu'on a terminé, mais on n'a pas terminé du tout. Le travail ne fait que commencer. Et d'ailleurs, comme grande lectrice, moi, maintenant, je le sens si un livre est travaillé ou non. Ah oui, et j'ai des préjugés sur certaines maisons d'édition ou à certaines étapes d'une maison d'édition où je m'en rends compte, oh là, il y a eu un nouveau directeur littéraire qui est rentré parce que c'est plus rigoureux que ça l'était. Avec l'expérience, on repère ça très rapidement. Oui, hein, toi aussi. Hein? Oui, mais c'est ce que je dis quand je donne une formation sur la soumission de manuscrits aux éditeurs, c'est que les éditeurs repèrent très rapidement un bon ou un mauvais manuscrit et souvent dans les 25 premières pages, même bien avant ça, des fois dans les 5 premières pages, tu sais déjà si le manuscrit va être bon ou pas. Alors, nous, comme lecteurs, on sait après 20 pages si on va aimer le livre ou non. Oui, c'est ça, mais les faiblesses, souvent, ils sont présentes dès le départ. Puis, les éditeurs développent justement leur esprit critique beaucoup, puis très rapidement sont capables de s'en rendre compte. Alors, c'est pour ça que le manuscrit doit être le plus peaufiné possible avant de l'envoyer aux éditeurs. Sinon, on risque d'être rejeté. En fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il y a seulement 3 à 5 % des manuscrits envoyés chez les éditeurs qui sont retenus pour publication. Ça veut dire un taux de rejet de 95 à 97 %. Je veux dire, c'est hallucinant. Tu as pas mal plus de chances de te faire refuser que de te faire accepter. Oui, absolument. Alors, si tu veux que ton manuscrit se distingue du lot, se distingue des autres, il faut absolument qu'il soit présenté physiquement parlant, le matériellement parlant, il faut qu'il y ait une présentation très, très professionnelle, mais il faut que le manuscrit aussi ait été travaillé au niveau du fond et de la forme. Oui, qu'il soit abouti, dans le fond, le plus loin qu'on peut aller sans directeur littéraire. Ceux qui débutent en écriture ont souvent l'impression que je vais envoyer mon manuscrit à l'éditeur puis lui va m'aider à le travailler. Mais non, c'est pas ça le travail d'un éditeur. Non. C'est sûr qu'il va t'aider à mettre la touche finale. Si jamais il décide de publier ton livre, il va t'aider à peaufiner ça un peu. Là. Mais s'il faut retravailler le fond et la forme, c'est pas avec l'éditeur que tu vas faire. C'est avec toi. Avec moi, avec le pigeon d'écho. avec donc un conseiller littéraire qui lui va pouvoir t'aider à travailler en profondeur le texte. Et là, t'es à Québec, entre autres, parce que tu offres ce samedi un atelier. Oui, samedi au Centre Lucien Borne, toute la journée, c'est une formation qui s'appelle « Autour du manuscrit ». Le matin, on voit ensemble la planification d'un roman, comment planifier la structure, la dynamique du récit, comment planifier la caractérisation des personnages, se préparer un dossier de planification. Et puis, en après-midi, on voit la soumission de manuscrits aux éditeurs. Tout ce qu'il faut savoir et les erreurs à éviter, surtout. Et comment travailler de manière professionnelle. As-tu encore de la place? Il reste encore de la place. Puis ceux qui veulent s'inscrire peuvent aller sur le site web du Pigeon Décoiffé, qui est au www.lepigeondecoiffé.com, sans les accents, bien sûr. Dans la section agenda, ils vont trouver les informations pour avoir le détail du contenu de la formation, puis aussi pour s'inscrire. Fait que je te souhaite vraiment qu'il y a encore des inscriptions, que ça soit plein, tant qu'à revenir à Québec, pour la paix. Oui, c'est ça. Je viens pas souvent, maximum une fois par année, fait que pour donner une formation. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Ben oui. Et toi, je te souhaite encore un beau séjour ici au pays et que tu retrouves des airs plus chaudes. Ça s'en vient bientôt. Là, je prolonge peut-être mon séjour un peu ce printemps, cet été. Là, j'ai envie de rester un petit peu plus longtemps, mais je retourne au Guatemala. Ça faisait quand même un moment que tu étais pas allé. Ça faisait un bout. Là. J'étais passée par le Mexique cet automne, la Chine cet hiver. Ouais. Mais là, le Guatemala me manque terriblement. Alors, j'y retourne fin juillet au plus tard. Bon, et l'été ici est quand même beau. Merci, Nadia Gosselin. Ben, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de passer au bouquin d'abord. Bye-bye. Donc, il nous reste quelques minutes pour l'émission Sortie culturelle au Salon du livre de Québec. Et on termine ça avec quelques suggestions d'activités. C'est sûr que je ne pourrais pas passer au travers toute la programmation. Il y a quand même beaucoup de choses pendant le Salon du livre. Mais oui, mais je vous invite à aller, de toute façon, pour tous les détails, au silq.ca pour avoir vraiment toute la programmation, pour avoir l'horaire aussi des auteurs. Donc, il y a quand même quelques activités qui ont attiré mon attention. Aujourd'hui, il y a une table ronde Écrire en Algérie à 14h à la scène des rendez-vous littéraires, parce que l'Algérie, c'est le pays invité quand même cette année au Salon du livre de Québec. Donc, à 14h, table ronde Écrire en Algérie, comme je disais. À 16h30, on en a parlé un peu tantôt, une table ronde Le polar, reflet sombre de la société, avec Isabelle Lafortune, que j'ai reçu un peu plus tôt, Jean-Jacques Pelletier, Diane Vincent et Richard Sainte-Marie. Donc, ça promet ça aussi. Cette table ronde-là va être à l'Espace Radio-Canada. Encore à l'Espace Radio-Canada, il y a des rencontres d'auteurs. Il va y avoir Chantal Gingras, entre autres, dont on a vraiment beaucoup aimé La face cachée des cailloux, qui va être là. Donc, il y a plein de tables rondes comme ça, des rencontres d'auteurs. Là. Moi, comme je dis, j'en nomme quelques-unes, mais je pourrais passer une heure à en nommer. Mais toi, tu habites quasiment ici pendant le Salon oui, du livre. Oui, puis il faudrait que je me tripe. Ceux qui travaillent doivent faire des choix déchirants maintenant. Oui, c'est ça. Il y a des choix déchirants à faire, en fait, comme personne qui assiste, que, autant que comme personne qui a fait l'horaire. Donc, c'est ça. C'est que là, j'ai dit ça. Il y a aussi, hier, j'en ai parlé, je pense, de l'activité, ça date pas d'hier, qui est une activité avec Catherine Lachaussée. Oui. Je savais pas trop exactement c'était quoi, parce que c'était pas très clair dans le programme. Là. Ça ne disait pas grand-chose. Je suis allée hier. Puis, en fait, ce que c'est une table ronde pendant une heure de temps où est-ce qu'on parle d'histoire. Donc, hier, c'était l'histoire à l'ère des réseaux sociaux. Donc, à quel point les réseaux sociaux influencent la diffusion de l'histoire, comment on peut interagir avec les gens pour propager l'histoire, comment on fait notre récit, puis tout ça. Donc, c'était super intéressant. Aujourd'hui, c'est un autre sujet, parce que c'est encore pas plus clair, mais je suis allée m'informer hein, quand même. Donc, ce soir, ça s'appelle « Censure et autres périls », la table ronde. Et c'est avec Denis Vaugeois, Pierrette Lafont et Mathieu Davignon. Donc, ils vont parler « Quand est-ce qu'on cesse de parler librement ?» comme auteur l'autocensure comme auteur en histoire. Ouais. Comment on enseigne l'histoire, donc ça va être super intéressant. Vous me trouverez là à 19h à l'Espace Radio-Canada. Aussi à 21h30 à la Maison de la littérature, il y a encore une soirée jazz et poésie. Un classique à essayer au moins une fois. Oui. Et c'est gratuit. Il y a un service de bar, c'est super intéressant, à 21h30. Donc, habituellement, c'est 4-5 poètes avec un trio jazz. Le trio jazz improvise en fonction des textes qui sont lus. Super intéressant. C'est des soirées qui sont vraiment uniques. Ça ne se reproduira pas, une soirée comme ça, exactement de cette façon-là. Ouais. Donc, ça vaut la peine. Donc, il y a plein d'autres activités. Est-ce que tu en veux d'autres encore, Barbelle? Oui, j'en prendrai encore. Écoute, il y a quand même le conseil qu'il faut faire, qu'il faut donner à tous les jours jusqu'à demain. Arriver à 3h, rester jusqu'à 9h. Oui, profitez-en. Hier, c'était vraiment tranquille pour justement en profiter, pour bouquiner. C'est vraiment, c'est un must de prendre le temps. Si vous êtes capable de venir ce soir, faire vos repères, de vous promener, de voir où vous voulez aller peut-être en fin de semaine, qui vous voulez rencontrer. Et il y a quand même des auteurs qui sont déjà en séance de signature, qui sont là. Les auteurs qu'on a eus aujourd'hui en entrevue, ils étaient tous en séance de signature aujourd'hui. Donc, c'est possible de les voir. Il y en a plein d'autres que vous pouvez rencontrer déjà. N'attendez pas à samedi, s'il vous plaît. Donc, je vais y aller avec des activités qu'il y a demain matin. Parce que, on s'entend, j'aurai pas le temps de les nommer. Demain après-midi, ça sera un peu moins pertinent. Donc, demain matin, il y a une rencontre d'auteurs avec Jean Desi, entre autres. Qu'on va recevoir demain midi. Mais ça, donc Jean Desi qui va être là à l'Espace Radio-Canada à 10h30 demain matin. Il va avoir aussi une table ronde qui s'appelle « Rêver d'ailleurs » avec Philippe Gagnon, Michel Duchesne et Olga Duhamel-Noyer à 11h à la scène des rendez-vous littéraires. En même temps, parce que oui, il y a plusieurs activités en même temps, il y a une autre table ronde, des rencontres d'auteurs avec, entre autres, Dimitri Nasrallah, l'auteur de Les Bleeds, dont j'avais parlé au bouquin et que j'avais adoré, Pierre Caouette et Alice Guéricola gagné. Qui avait gagné pour Saint-Jean, le Robert Clich. Oui, c'est 2018. Ça, vraiment. Donc, on va la recevoir le 22, hein, si je me trompe pas. Oui, le 22, on va la recevoir. En émission régulière. Ouais. Donc, ça va être encore à 11h à l'Espace Radio-Canada. Écoute, on est déjà rendu au remerciement et j'annonce très vite demain Mireille Gagné, Jean-Jacques Pelletier, Mélissa Véro, Sandra Dussault, Dave Noël, Jean Désy, Jonathan Livernois. Je vous pitch ça comme ça en vrac. Aujourd'hui, merci à tous les auteurs qui se sont déplacés, aux jeunes aussi qui sont venus nous porter leur lecture. Merci Julie Collin. Bien, merci d'être Bardelle. Avec moi. À la mise en onde, ici Simon Roy, à la station Mélanie Fleurant. Restez à l'écoute de CKRL. On revient demain à midi pour une autre sortie culturelle. On va continuer ça jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche. Méchant marathon. On est rendu à 2/5. Ça fait que demain, à midi moins quart, on va lever le flag, la moitié est faite. Oui, vraiment, c'est quand même drôle. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on continue notre marathon radiophonique. Et on espère que ça vous a plu. Restez à l'écoute de CKRL. On vous souhaite un bel après-midi. Merci tout le monde. Les bouquins d'abord vous ont présenté Sorties culturelles au Salon international du livre de Québec. Ici Raymond Poirier. Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, La vie en BD se met en mode sortie culturelle en direct du Festival Québec BD. Au menu, des rencontres avec plusieurs des invités de marque de l'événement. Pierre Allary, Sylvie Rancourt, Émilie Plateau, Abdel de Bruxelles, Luke McGarry et plus. Rendez-vous dès 13h30 les 13 et 14 avril en direct du Centre des congrès de Québec et sur CKRL 89.1.